est bien la plus convoitée. Si je pouvais la décider, sortir qu'avec moi au ciné, qu'est-ce qu'ils diraient les petits copains, les petits copains? Qu'est-ce qu'ils diraient? Ils feraient la gueule, les petits copains. Ils seraient jaloux, j'en suis certain. Je les vois d'ici et je les entends. Ils se prennent pour qui l'on met des fois. Et patati et patata. Ils sont pas toujours très gentils, les petits copains. Suzy n'est sortie qu'avec moi. Mais hélas, ça n'a pas duré. Maintenant, elle fréquente un autre gars et qui n'est même pas du quartier. Ils sont marrés, les petits copains, les petits copains. Ils sont marrés pendant 3 jours, j'ai entendu. Alors, Don Juan, ça va l'amour? Arrête ton char, faut plus bluffer. Ta petite pépée, elle s'est tirée avec un drôle de malabar. Ils sont pas toujours très gentils, les petits copains. 5 jours après, j'ai rencontré Suzy avec son étranger. J'ai fixé le gars et puis soudain, d'un mot, on en est venu aux mains. Ils sont ramenés, les petits copains, les petits copains. Ils sont ramenés quand ils en veulent. J'avais le dessous. Ils sont tout de suite entrés dans le coup. Qu'est-ce qu'il a pris alors le gars? Direct dans l'œil, tranché au foie. Il reviendra pas de sitôt, je crois. Y a pas à dire, c'est drôlement chouette. Une musique magique s'accroche à la vie des rues, et qui l'écoute en passant voit des rêves tomber des nues. C'est comme un coup de baguette qui change le fil des jours. Quand la musique magique dégaine son vieux tambour, chose banale, foulard de soie, robe de bal, chevaux de bois, tout se transforme. Oui, c'est ça, la directe. Eh bien, on l'écoutera juste après, tout simplement, le petit Franck. Et puis, petit Franck. Et juste après lui, ce sera Claude de Paron avec musique magique. Depuis tu dis, elle revient. plus fort. Il faut serrer les poings très fort. Elle est partie pour tes 10 ans. Et puis tu dis, elle revient quand? Faut pas pleurer, c'est le plus fort. Il faut serrer les poings très fort. Magique s'accroche à la vie des rues et qui l'écoute en passant voit des rêves tomber des nues. C'est comme un coup de baguette qui change le fil des jours. Quand la musique magique dégaine son vieux tambour, chose banale, foulard de soie, robe de bal, chevaux de bois, tout se transforme et une de trois, c'est un ballet de l'opéra. Dans ce théâtre du cœur, les pantins ne sont pas de bois. Quand la musique magique a frappé ses 3 coups sur toi, quand j'apprivoise un clair de lune, quand je suis riche avec de thunes, c'est la musique magique. Quand je t'apprends comme un poème, quand je n'entends que des je t'aime, c'est l'éternelle musique. Je vois voler les tourterelles de la vie. Lorsque j'entends la ritournelle des rêveries, et la musique magique pianote son air en bleu, c'est ma jeunesse qui chante, et soudain j'ai des larmes aux yeux. Une gondole à guitare s'éclaire sous le pont des cœurs. L'amour s'habille en dimanche et balade un soleil de fleurs. Tourne ma neige au bord de l'eau, les robes sautent les ruisseaux et les tonnelles s'en vont danser. Je vais encore mourir d'aimer quand la musique magique bastringue en sifflant mes joies. C'est que l'amour a toujours de nouvelles chansons pour moi. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM. Et je vous laisse avec Alain Barrière, Rien qu'un homme. Rien qu'un homme qui traîne sa vie au cap au vent, qui rêve d'été et de printemps, lorsque vient l'automne et les tourments. Mais c'est monotone, monotone, de me supporter depuis si longtemps, et la même gueule et le même sang. Dans mes rênes d'un même courant, je ne suis qu'un homme, rien qu'un homme. J'ai perdu mon cœur depuis longtemps. Et qu'on me pardonne si je ne sais plus que faire semblant. Je ne suis qu'un homme, rien qu'un homme. J'ai brûlé mes ailes au soleil brûlant. J'ai fermé ma porte. Je me rappelle que la vie est belle de temps en temps. Je ne saurais être bien.

chose une demi-heure. Diable, il y a 5 minutes, mon ange, ça répondait pas. Alors je m'inquiétais, alors je t'ai rappelé. Pour la deuxième fois de la journée, on est quand on m'en fait. Qu'est-ce que tu fais, mon adoré? Ouais, je sais, on se voit après. Bon, je t'embrasse fort, mon bébé, hein, je t'embrasse. Non, c'est toi qui raccroches. Non, c'est toi. Non, c'est toi qui raccroches. Non, c'est toi. Non, c'est toi qui raccroches. Bon, je te rappelle. Joël est cool, qui se rappelle quand je suis chaud. Je déteste les coups dans ton cou. Mon cœur, mon amour. Mon cœur, mon cœur, mon amour. Mon amour, mon cœur. Tu, tu, tu, tu, tu. Tu, tu, tu, tu, tu. Tu, tu, tu, tu, tu. Tu, tu, tu, tu, tu. Tu, tu, tu, tu, tu. Tu, tu, tu, tu, tu. Tu, tu, tu, tu, tu. Tu, tu, tu, tu, tu. Tu, tu, tu, tu, tu. Tu, tu, tu, tu, tu. Tu, tu, tu, tu, tu. Tu, tu, tu, tu, tu. Tu, tu, tu, tu, tu. Tu, tu, tu, tu, tu. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Tu, tu, oh, mais quelle histoire! Tu sais, celle de la Marguerite! Oh, oui, oui, la Marguerite! Bon, bon, bon, d'accord, d'accord. Alors, approchez-vous, là, là, là, près. Une Marguerite sur la voie publique a montré son bouton d'or. Et toute la musique du printemps magique, en jouant tous ses accords, a fait soudain rêver tous les passants autour de cette petite fleur des champs. Chacun se demande ce qu'il faut attendre d'un pareil événement. Oh, les marguerites, ça pousse pas dans les rues. C'est vrai, oui, oui, c'est vrai. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, après, il s'est passé des tas de choses. Pour qu'il n'y ait pas de fuite, que rien ne s'ébruite, on fit dresser sur le champ des milliers de guérites sur la voie publique, avec des soldats dedans. Eh oui, bien alignés, en rang tellement serré que le soleil ne pouvant plus passer. Quand la marguerite sur la voie publique se mourait tout doucement. Heureusement, parce que voilà qu'un poète qui n'avait en tête que des rimes sans raison accueillit bien vite cette marguerite pour en faire une chanson. Chanson d'amour reprise à l'unisson dans les faubourgs, dans toutes les maisons. Et la ville entière, pleine de lumière, est devenue sur le champ un jardin magique, rempli de musique et de marguerites. Sur les voies publiques, un jardin magique, avec des guérites. Sur les voies publiques et des marguerites, rempli de musique et de marguerites. Un jardin magique avec des guérites sur les voies publiques et des marguerites. Voilà donc après, juste après, bien tout le chanteur Francis Lemarque. Eh bien, je vous laisse avec du côté des chansons et musique douillop. Do with you my heart learns to fly. was time to show. Oh, she's my heart, my beat. Shoop, shoop, shoo-bee-doo-bee-doo. Oh, first kiss in the moonlight. The stars above us shining bright. Shoop, shoo-bee-doo-bee-doo. We're floating on clouds, oh baby, baby. Listen to me. Oh, oh. C'est de la faute à personne si mon cœur a changé. Et moi-même, je m'étonne de l'avoir tant aimé. Éternelle chimère, c'est la ronde des cœurs où toujours l'on espère rencontrer le bonheur. Si la chance m'abandonne au milieu du chemin, c'est de la faute à personne, c'est de la faute au destin. À 20 ans, quand l'amour nous tient, tout sourit, on rêve, on délire. On a beau faire, on a beau dire, c'est la vie et l'on n'y peut rien. Moi j'aimais comme on peut aimer, d'un cœur neuf rempli d'espérance. Mon amour ne fut que souffrance, à présent j'ai tout oublié. C'est de la faute à personne si mon cœur a changé. Et moi-même je m'étonne que ce soit arrivé. Éternelle chimère, c'est la ronde des cœurs où toujours l'on espère rencontrer le bonheur. La roue tourne monotone comme les ailes d'un moulin. C'est de la faute à personne, c'est de la faute au destin. C'est de la faute à personne, c'est de la faute au destin. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléans. Je vous laisse avec Andy Gould. Danse ballerine, danse, dans un élan joyeux que ton corps se balance. Danse ballerine, danse, chacun te suit des yeux. Aussitôt que tu t'élances, tu sais si bien charmer, quand tu souris soudain à tous ceux qui t'admirent, qu'on ne saura jamais le douloureux chagrin que cache ton sourire. Aujourd'hui, ton amant t'a quitté. C'est fini, il n'y faut plus penser, tu dois danser. Si ton cœur ballerine est lourd, fais semblant d'ignorer le poids de ta souffrance. Et puis souris toujours, ceux qui sont là ce soir sont venus pour te voir. Malgré ton désespoir, danse ballerine, danse, danse. Thank you.

elle me dimanche au gué, vive la rose, lundi on l'enterra, vive la rose et le lilas, lundi on l'enterra, vive la rose et le lilas, mardi il reviendra me voir au gué, vive la rose, mardi il reviendra me voir au gué, vive la rose, mais je n'en voudrais pas, vive la rose et le lilas, mais je n'en voudrais pas, vive la rose et le lilas. Et voici Georges Chelon. Si demain le soleil se levait à l'ouest, je parie 5 ans de ma vie pour autant qu'il m'en reste, que pas un de la ville, que pas un ne dirait, tiens c'est drôle, aujourd'hui le soleil se lève à l'ouest, tiens c'est drôle, aujourd'hui le soleil se lève à l'ouest. Si demain l'on trouvait le moyen de vivre 1000 ans, parmi les gens qui se battraient pour être sur les rangs, pas un ne se dirait, pourquoi vivre 1000 ans? J'ai déjà tant de mal à remplir le quart de mon temps. J'ai déjà tant de mal à remplir le quart de mon temps. Si demain l'on disait que faire l'amour est défendu, ne vous aimez que par le cœur ou vous serez pendu, on manquerait de bourreaux pour tuer tous les gens. Ce n'est pas tant l'amour que faire l'amour qu'on aime tant. Ce n'est pas tant l'amour que faire l'amour qu'on aime tant. Si demain les fabricants de responsabilité ne donnaient plus à l'homme même une porte à garder, il ne pourrait plus fuir celui qu'il est et qui peut vivre avec lui-même sans se désespérer. Et qui peut vivre avec lui-même sans se désespérer. Hier, les jurés ont jugé l'insouciance d'un enfant. En leur âme et conscience, ils l'ont condamné à 20 ans. Ils sont rentrés chez eux, chagrinés mais contents. Il n'y a rien de plus terrible que les braves gens. Il n'y a rien de plus terrible que les braves gens. Tiens, c'est drôle, aujourd'hui, le soleil se lève à l'ouest. Et voici quelques morceaux de jazz. I put a spell on you. Yeah. a spell on you. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur 96.2. Je vous laisse avec quelques morceaux d'accordéon. Et puis, juste après l'accordéon, on écoutera deux morceaux de Lauriane Bach. Et puis, un petit bonjour. Ça commence par un sourire, une main qui se tend, l'envie d'y aller. Comme avant, plus comme avant. Non, tu n'es plus seule, je suis là avec toi, main dans la main. Tout est possible quand on est deux. Tout est possible quand on y croit. Ah, ah, ah. Non, tu n'es plus seule, je suis là avec toi. Tout est possible quand on est deux. Tout est possible quand on y croit. Ah, ah. Allez, viens, on se lève. Nos deux mains pour demain. On va tourner la terre. Plus avant quoi, l'amour au creux des mains, le cœur au chaud, au chaud, au chaud. On est bien plus fort à deux, on va plus haut, main dans la main. Tout est possible quand on est deux. Tout est possible quand on y croit. Comme un défi, oui, tendre la main, donner 200 ans, sauver une vie. On marche à deux vers le destin. Non, tu n'es plus seule, je suis là avec toi, main dans la main. Tout est possible quand on est deux. Tout est possible. Nos deux mains pour demain, on va tourner la terre. C'est enfin la lumière, la fin de la fin. À toi pour toi, plus avoir froid. L'amour au creux des mains, le cœur au chaud, au chaud, au chaud. Maintenant tu marches seul dans la lumière. On s'est connu à l'école sur les bancs, toujours au dernier rond du chewing-gum en plein les dents. On a cassé ensemble nos premières tirelires et couché dans l'herbe nos plus beaux fous rires. Si la tendresse a su calmer nos peurs, l'humour allume toujours l'étincelle du bonheur et nos. notre amitié. Ami, ami, mon accord, ta peau. Ami, ami, mon dans les bas, dans les hauts. Nos cœurs écrivent l'histoire. Et l'ego se fera. Tu es parti sur un autre chemin. Des années attendent la danse, le temps du se maintient. Et si le fil se casse, si l'amitié se perd, la porte reste ouverte pour plus tard peut-être. Car un ami sait se mettre tout entier, surtout pas demi, surtout pas moitié. C'est savoir s'écouter, même rire, enfin mourir, aimer les défauts comme les qualités. À ce monde qui tournait tristement. Tu es arrivé dans mon ciel, tout pareil au soleil. Quand il vient chasser tous les fantômes glacés de la veille. où j'aimais tant rire, où j'aimais chanter, courir et danser. Je trouve du charme à l'hiver, quand tout dort sous la terre, au vent qui bourdonne et aux rêveries d'automne solitaire. Tu m'as donné la vie en me donnant l'amour. Elle est finie la nuit, voici venir le jour. Tu m'as donné la vie à chaque instant du jour. Mon cœur te dit merci pour ton unique amour. Tu m'as Et voici, je vous laisse avec Léo Ferry. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent. La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards longs de silence. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure, l'amour s'en va comme cette eau courante. L'amour s'en va comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure, passe les jours et passe les semaines, ni temps passé ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Et voici, je vous laisse avec Hugo Frey. À tous ceux qui partent, tchin, tchin, tchin. À tous ceux qui restent, tchin, tchin, tchin. À tous ceux qui tombent, tchin, tchin, tchin. À tous ceux qui sombrent, tchin, tchin, tchin. Je lève mon verre, tchin, tchin, tchin, à vous tous mes frères, tchin, tchin, tchin. Je veux chanter pour vous, tchin, tchin, tchin, et vous saluer debout, tchin, tchin, tchin. qui n'a plus de raison. Je veux croire mon frère en levant ce verre. Je veux croire encore à ton espoir. À tous ceux qui partent, chin, chin, chin. À tous ceux qui restent, chin, chin, chin. À tous ceux qui tombent, chin, chin, chin. À tous ceux qui sont heureux, chin, chin, chin. Toi qui pleures ta liberté, chin, chin, chin. Toi qui encore es tombé, chin, chin, chin. Je veux croire mon frère en levant ce verre. Je veux croire encore à ton espoir. Toi qui es seul sans amis, chin, chin, chin. Toi qui cherches dans la nuit, chin, chin, chin. Je veux croire. Et voici, il s'appelle le Marjane. Toi et tes yeux d'ange, toi et ton cœur d'ange, toi et tes mains rouges, vous m'avez volé, pillé, bouleversé, toi et ta voix d'ange, toi et tes mots d'ange. Toi et ton air d'ange, vous m'avez blessé, menti, trompé. C'est plus fort que moi, mais j'ai besoin de toi. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Et lorsque tu es loin, je cherche en vain tes mains. L'odeur de ton parfum et ta voix. Toi et tes yeux d'ange, toi et ta peau d'ange, toi. Même la vie, toi et tes yeux d'ange, toi et ton cœur d'ange, toi et tes mains d'ange, vous m'avez volé, pillé, bouleversé, toi et ta voix d'ange, toi et tes mots d'ange. Je le pouvais, je crois bien que jamais, je ne te reverrai jamais. Tu es mon obsession, le soleil, le démon, je t'aime avec passion, mais crois-moi, à toi, sans tes yeux d'ange, toi, sans ta peau d'ange, sans tes lèvres d'ange, tu ne serais qu'un homme parmi les hommes. Oui, mais voilà, c'est pas comme ça, il y a toi. Et tes yeux d'ange, la la la la la la, il y a toi, toi. Elle s'appelle Michèle Arnaud. Au devant la rue s'allume jaune, orange ou canari, une cigarette fume près du lit où je lis. Pourquoi ce soir ne puis-je supporter l'odeur des roses? s'enfuit sans bruit et la chambre se parfume d'un espoir évanoui. Et moi, ce soir, je ne peux supporter. Costume couleur d'un soir de Paris, rose et gris, couleur de brume, imprécis comme lui. C'est lui pourtant qui m'avait emporté. C'est quelque je ne peux supporter. contrôle, mais le désir est plus fort. Je sais que je devrais fuir, mais je reste encore là. Quand ton absence me brûle, je Yeah.

Et puis encore un autre chanteur de sa génération, il s'appelle Enrico Macias. Depuis toujours, on s'habitue à l'amour, la sécurité du quotidien nous fait souvent dire tout va bien. Et puis la vie change tout ça. Il y a des matins comme ça, et la nouvelle qu'on n'attend pas. Il y a des matins, c'est comme ça. Le silence, l'instant d'après le silence, et l'angoisse qui commence. On manège les pensées. Tenter l'impossible, mon Dieu, de l'homme est fragile devant la fatalité. La vie nous reprend tout doucement, mais on se méfie pourtant. La crainte d'hier. À croire au bonheur. Et puis la vie change tout ça. Il y a des matins comme ça, la nouvelle qu'on n'attend pas. Il y a des matins, c'est comme ça. En silence, on repart, tout recommence. On dit c'est un jour de chance. L'équilibre des pensées retrouvé quand on s'aime. On a peur pour ceux qu'on aime, et leur choix ou bien leur peine nous font rire ou bien pleurer. Et puis la vie change tout ça. Il y a des matins comme ça, la nouvelle qu'on n'attend pas. Il y a des matins, c'est comme ça, et puis la vie change tout ça. Il y a des matins comme ça, la nouvelle qu'on n'attend pas. Il y a des matins, c'est comme ça. Et voici Yves Duteil. Ce sont des gens sans importance, avec des gestes quotidiens, font renaître l'espérance et le bonheur entre leurs mains. Ce sont des gens sans artifice qui vous sourient quand ils sont bien et vont cacher leurs cicatrices parmi les fleurs de leur jardin. Ils ont le cœur un peu fragile et la pudeur de leur chagrin leur donne un doux regard tranquille, un peu lointain. Ce sont des gens sans importance et qui parfois ne disent rien, mais qui sont là par leur silence quand ils sont loin. Moi j'ai le cœur en plein décembre, l'ami Pierrot s'en est allé en emportant mes chansons tendres et ton passé et tous les mots sans importance qui résonnaient dans la maison, mais qui sont lourds de son absence dans ma chanson. Peut-être à cela qu'on pense quand la mort vient rôder pas loin en emportant notre insouciance un beau matin à tous ces gens sans importance avec lesquels on est si bien qui font renaître l'espérance. Et sans lesquels on n'est plus rien. Du côté du twist. I love you. Et je vous laisse avec Ruka Zaraï. Hey soleil, ou bien si la pluie tombait, tu oublieras. comme un film passé sur un écran noir. Car l'amour, mon amour, l'amour n'a pas de mémoire. Le Salvador Adamo. Le cœur content, comme un livre d'images. À chaque page, il y aura un serment. À chaque instant, il y aura ton visage. Et si pauvre est la pose, aura ton charme. Car j'y mettrai tes larmes sur des pétales de rose. Non, pas une ombre morose, rien que les plus belles choses. Sans un nuage, comme un ciel de vacances, pour y enchaîner le meilleur de notre temps, pour mettre en cage le vent de notre chance. Et nous aurons pour emblème le con de neige, notre premier je t'aime, léger, léger comme un arpège. Non, pas une ombre morose, rien que les plus belles choses. Et nous soufflerons sur la poussière des ans, et nous lirons en riant de notre âge. Alors, comme au temps de nos 20 ans, nous écrirons notre plus belle page. Et puis voici Barry White. Someday, someway.

publique, même si tu leur prends du fric. Femme publique, pour toi chacun le tunique. Tu te donnes, tu te donnes, tu te vends. Femme publique, tu connais bien la musique. Femme publique, chaque rencontre est magique. Femme publique, tu te rappelles plus de rien quand t'arrives le petit matin. Il te parle d'amour. Il te parle d'amour. Il te parle d'amour. Il te parle d'amour. Il te parle d'amour. Il te parle, il te parle d'amour. Il te parle, il te parle d'amour. Il te parle, il te parle d'amour. On peut toujours toute sa vie changer mille fois de décor, changer de lit et d'amis, plus encore changer de corps. La liberté de choisir le paradis ou bien l'enfer, sans aimer ni faire souffrir comme une bouteille à la mer. Fidèle, je suis resté fidèle, fidèle à elle, à ses yeux couleur d'arc-en-ciel. Sur un quai de gare, dans l'idée d'avoir six cœurs, qu'un matin la vie nous sépare. Si parfois la jalousie nous a fait faire des choses folles, c'est une preuve et c'est le prix. L'amour vaut plus que des paroles. Fidèle, je suis resté fidèle, fidèle à elle, à ses yeux couleur d'arc-en-ciel. Avec le Tyrol, et puis on se retrouve juste après, ça sera Pierre Perry.

mariage. Et je vous laisse avec Philippe Laville et puis juste après lui, quelques chansons de Batacha. La chanson des sirènes. Il trafique un peu dans tous les camps. La marine est d'accord. Y'a aucun malaise dans sa combine. C'est une musique machine. ocurre conmigo. Cada vez que te acercas, como si el mundo se detuviera y mi calma se volviera inquieta. Hay un fuego que no entiendo, recorriéndome por dentro, y aunque intento ocultarlo, se me escapa en el silencio. Porque somos solo amigos, eso dice la razón, pero mi pecho insiste en cambiar esa definición. Porque el corazón no aprende a fingir lo que sintió, y en tu nombre se revela lo que nunca confesó. He callado tantas veces por miedo a perderte así, pero ya no cabe este sentimiento en lo que intento esconderte, disfrazando este latido para no alejarte de mí. Pero el alma tiene un límite cuando quiere desbordar, y este amor que llevo dentro ya no sabe disimular. Perdona si suena extraño, si te parece irreal, pero esto que siento ahora no se puede controlar. Es tan fuerte y tan sincero que me obliga a ser verdad, aunque tiemble en tus ojos lo que pueda pasar. Yo quisiera cruzar la línea, dejar de fingir que no pasa nada, robarte un instante eterno en el borde de tu mirada, y un beso que diga lo que soy. Tal vez si miras más hondo, sin condición, que en este amigo que tienes late un amante feroz. Quizás pierdas lo seguro que te da la tranquilidad, pero podrías encontrar algo más que una amistad. Y si decides quedarte y cambiar nuestro destino, no perderás quien te quiere. Harás del mismo amor un camino distinto. Tu mirada me busca entre la gente y yo finjo que no pasa llega a perderte. ¿Cómo le explico al corazón que eres prohibida, mi amor? Prohibido tu amor, pero no dejo de soñarte. Prohibido tocarte, pero muero por besarte. Esta bachata la escribí pensando en ti, en lo que nunca podrás ser, pero siento aquí. Prohibido tu amor, como fruta del pecado. Prohibido a mi lado, pero siempre enamorado. Y aunque el mundo sonrisa, con rozar tu mano cuando nadie mira, este secreto que llevamos es mi cruz, pero prefiero este dolor a no sentir tu luz. Sé que tienes tu vida, tus promesas, y yo aquí esperando las migajas de un amor que nunca será completo, pero que vive en cada uno de mis besos. Y aunque sé que no puedo tenerte, mi alma se niega a perder. Lorsque je la caresse au réveil, je ne trouve aucun mot devant tant de merveilles. En parcourant la paume de ta main, j'y ai trouvé de belles lignes dont l'une indiquait un chemin que j'ai suivi comme un signe. Ce n'est pas s'éloignent, se chamaillent, se joignent, s'étreignent, s'embrasent. Lorsque nos corps se rejoignent, ce n'est pas en les serrant. Le soir venu, on dirait que je n'existe plus. Tu utilises ton doigt pour scroller ton écran. Bien que tu sois à côté de moi, je m'efface derrière. J'en crée des vents sans savoir où je vais, mais j'ai le temps, je ne suis pas pressé. Je vole, je plane, je suis parti d'un platane. Je découvre le monde sans perdre une seconde. Je me pose dans un berceau, ce que j'y découvre est très beau. Un bébé les yeux fermés, que l'on est en train de bercer. Ses parents se tiennent côte à côte, ils sont heureux, ils s'asticotent. Puis le vent me reprend vite, et déjà je les quitte. Je ne suis qu'une brindille, toute fine, toute fragile, qui voyage au gré des vents sans savoir où je vais. Mais j'ai le temps, je ne suis pas pressé, je vole, je plane, je suis parti d'un platane, je découvre le monde sans perdre une seconde. Je me pose dans une cour d'école, j'entends les rires des enfants qui s'envolent, ils sont plongés dans leur jeu. Je tournoie au milieu d'eux, ils ne font pas attention à moi. Je ne suis qu'un bout de bois, une bourrasque me soulève et je déploie mes ailes. Je ne suis qu'une brindille, toute fine, toute fragile, qui voyage au gré des vents sans savoir où je vais. Mais j'ai le temps, je ne suis pas pressé, je vole, je plane, je suis parti d'un platane. Je découvre le monde sans perdre une seconde. Je me pose sur un banc près d'un couple aux cheveux d'argent. Ils se regardent dans les yeux, ils sont encore amoureux. Ils se prennent la main et espèrent encore beaucoup de l'an. Je les quitte en silence, car déjà le vent m'élance. Je ne suis qu'une brindille, toute fine, toute fragile, qui voyage au gré des vents sans savoir où je vais. Mais j'ai le temps, je ne suis pas pressé, je vole, je plane, je suis parti d'un platane. Je découvre le oiseau me cueille comme un trésor qu'il accueille. Il m'emmène dans son nid pour que je protège ses petits. Et moi, petite brindille, si légère, si fragile, j'ai trouvé au détour une place pour toujours. Je ne suis qu'une brindille toute fine, toute fragile, qui voyage au gré des vents sans savoir où je vais. Mais j'ai le temps, je ne suis pas pressée. Voilà donc, j'étais ensemble, vous avez pu entendre deux morceaux différents de la chanson d'amour français. Et je vous laisse avec Rouler Jeunesse, leur premier, ma chanson d'aujourd'hui. Et le titre s'appelle Danser sous la pluie. Donc une nouveauté. Finir ma vie en douce compagnie. Parler tellement de fois, parler de demain, ce qu'on deviendra, toi et moi. Et dans ce monde où rien ne va, on a trouvé la raison et retrouvé la foi. Et j'ai trouvé dans tes bras un nouveau souffle, une nouvelle voix. Oui, j'ai trouvé dans tes bras tout l'amour. Alors on danse là sous la pluie, rien que toi et moi comme deux amoureux de la nuit. On écrira notre histoire, oui on danse là sous la pluie. On dansera toi et moi et comme des étoiles dans la nuit. On brillera dans le noir. Parler tellement de fois, de nos angoisses, de nos doutes et de ce qu'il restera. Si tout s'écroule autour de moi, si le monde devient fou, toi tu seras toujours là. Et j'ai trouvé dans tes bras un nouveau souffle, une nouvelle voix. Oui, j'ai trouvé dans tes bras tout l'amour. Alors on danse là sous la pluie, rien que toi et moi comme deux amoureux de la vie. On écrira notre histoire, oui on dansera sous la pluie. On dansera toi et moi et comme des étoiles dans la nuit. On brillera dans le noir. Donc il est 16h53 et bien on va terminer l'émission avec l'accordéon pour vous souvenir un peu pour le dimanche avec l'accordéon qui sera entre 12h30 jusqu'à 16h. Voilà donc, et bien j'espère que vous avez passé très bon après-midi et on se retrouve donc vendredi prochain, dimanche, et puis ainsi dimanche à partir de 12h30 et puis on se retrouve aussi mardi à partir de 13h30. Et puis je vous souhaite de passer une bonne fin de après-midi et de soirée. Voilà, et donc je vais te dire bonsoir à vous toutes et à vous toutes. We'll be right back.